Bon, d'abord, je vous remercie tous d'être venus à cette journée organisée par l'Association pour le développement de la revue Temporalité, et spécialement pendant ces deux heures, à ce que nous avons appelé entre nous un mini-colloque précédant l'Assemblée Générale. Nous avons tenté une innovation par rapport aux deux ou trois expériences précédentes, celle de 2008 sur les temporalités dans le sens social ou celle de 2010 sur les crises des temps et le temps de crise. Et je voudrais remercier tout particulièrement Étienne Klein, à ma droite, d'avoir accepté de venir débattre avec nous de la question du temps en particulier, des temporalités en général. Je remercie aussi Jean-Marc Ramos d'avoir préparé une intervention colloque du point de vue de la pluralité, de l'hétérogénéité des temporalités. Donc, l'objet de ce mini-colloque est de tenter d'ouvrir un dialogue entre des points de vue scientifiques a priori très différents sur la question du temps. Il s'agit d'ouvrir le débat sans trop savoir sur quoi il pourra déboucher, peut-être un jour, sur un dossier de notre revue, qui, vous le savez tous, procède depuis maintenant presque 10 ans par dossier thématique, ce qui ne l'empêche pas d'accueillir des varias, et heureusement de plus en plus, d'ouvrir un dossier thématique sur le temps dans les sciences physiques et dans les sciences humaines et les conditions d'un dialogue, d'un débat entre ces disciplines et ces conceptions, usages, modèles de temps.